Chapitre 5e. Lorsque Magdalène parut dans le salon quelque peu avant 7 heures, son attitude ne trahit plus aucune inquiétude. Sa physionomie, son langage, étaient aussi calmes, aussi nonchalants qu'à l'ordinaire. À sa vue, la mélancolie méfiante du capitaine Reig s'éclaircit tout de suite. Il y avait eu, durant cet après-midi, des moments où il s'était sérieusement demandé si le plaisir de satisfaire sa rancune contre Noël Vanstone et la perspective de gagner 200 livres ne serait pas trop chèrement achetée, au prix du risque qu'il prenait à être découvert, à chaque instant, à cause de l'inconstante humeur de Magdalène. La preuve manifeste qu'elle lui donnait actuellement de son empire sur elle-même le débarrassa d'une grave inquiétude. Ce qu'elle pouvait souffrir une fois retirée dans sa chambre inquiétait fort médiocrement le capitaine, pourvu qu'elle en sortît avec un visage qui défia l'examen et une voix où nulle émotion ne se trahit. Sur le chemin de Sea View Cottage, le capitaine Reig manifesta l'intention d'adresser à la femme de charge quelques questions sympathiques au sujet de ce frère malade qu'elle avait en Suisse. Il pensait que la mauvaise santé de ce gentleman était en passe d'exercer une influence essentielle sur la marche future du complot. Tout ce qui pouvait amener une séparation entre la femme de charge et son maître constituait, selon lui, dans la situation actuelle des choses, une chance à saisir, méritant de ce fait les investigations les plus poussées. Si nous réussissons, au moment opportun, à nous débarrasser de Mrs. LeCount, chuchota le capitaine tout en poussant la porte du jardin de son hôte, je vous garantis bien que l'homme est à nous. Une minute après, Magdalene se retrouvait sous le toit de Noël Vanstone, dans le rôle cette fois d'une personne dûment invitée par lui. Ce qui se passa pendant la soirée fut, à beaucoup d'égards, la répétition de ce qui s'était passé durant la promenade du matin. Noël Vanstone alternait entre son admiration pour la beauté de Magdalene et la glorification fanfaronne de tout ce qu'il possédait au monde. Les inépuisables leçons du capitaine Reig, émaillées çà et là par quelques questions fort indirectes au sujet du frère de Mrs. LeCount, vinrent continuellement distraire la jalouse vigilance de la femme de charge et l'empêcher de guetter au passage les regards et les madrigaux de son maître. La soirée s'écoula ainsi jusqu'à 10 heures. À ce moment, le savoir d'emprunt dont le capitaine faisait montre se trouvait à peu près épuisé, et la mauvaise humeur de la femme de charge perçait par degrés sous ses dehors doucereux. Comme naguère, le capitaine Reig avertit Magdalene par un regard, et malgré les hospitalières protestations de Noël Vanstone, les visiteurs se levèrent sagement pour prendre congé. Je me suis procuré les renseignements que je voulais, observa le capitaine, tandis qu'il s'en retournait. Le frère de Mrs. LeCount habite Zurich. Il est célibataire, possède quelques capitaux et n'a pas de plus proches parents que sa sœur. Si à l'heure qu'il est, il avait l'obligeance de tomber malade, il nous épargnerait une multitude d'embarras que cette brave dame est bien capable de nous procurer. Il faisait un beau clair de lune. Le capitaine, en parlant ainsi, s'était tourné vers Magdalene pour voir si son intraitable abattement s'était de nouveau emparé d'elle. Non. Son humeur inconstante avait subi une nouvelle métamorphose. Elle promenait de tous côtés des regards empreints d'une gaieté fiévreuse et légèrement affectée. La seule idée de trouver chez Mrs. LeCount un obstacle réel excitait ses railleries. Elle contrefaisait la voix aigrelette de Noël Vanstone et répétait ses compliments emphatiques, prenant un amer plaisir à le tourner en ridicule. Au lieu de se hâter vers la maison, elle flânait maintenant avec insouciance à côté de son étrange compagnon, fredonnant quelques lambeaux de couplets et chassant du pied à droite ou à gauche les cailloux qu'elle rencontrait sur l'allée du jardin. Le capitaine salua, comme autant de représages, ces changements inattendus. Il croyait y voir le signe certain que le tempérament familial reprenait ses droits. « Fort bien, » dit-il en allumant la chandelle qu'elle allait emporter dans sa chambre. « Demain, quand nous nous retrouverons tous sur la promenade, nous verrons bien, comme disent nos amis les navigateurs, sur quel point de la côte il faut mettre le cap. » Tout ce que je puis vous dire, cher enfant, c'est que si mes yeux ne m'ont pas servi trop mal, il doit se brasser à l'heure qu'il est, dans l'atmosphère domestique de Mr. Noel Vanstone, une tempête bien caractérisée. la pénétration habituelle du capitaine n'était pas en défaut. Aussitôt que la porte de Sivio Cottage se fut refermée sur les hôtes qu'il avait abrités ce soir-là, Mrs. LeCount s'efforça d'affermir sur ses bases l'autorité que l'influence de Magdalen semblait menacer déjà. Elle employa toutes sortes d'artifices pour savoir au juste ce que Noël Vanstone pensait de la nouvelle venue. Elle tâcha par toutes les ruses imaginables de l'amener à trahir sans qu'il s'en doutât le plaisir qu'il prenait déjà dans la société de la belle Louise Bygrave. Elle se glissa successivement par tous les interstices, par toutes les brèches de ce caractère sournois, comme les grenouilles et les salamandres aquatiques qui se glissaient parmi les rocailles de son aquarium. Mais elle commit cette grave erreur à laquelle échappent rarement les gens d'esprit quand ils traitent avec leurs inférieurs intellectuels. Elle s'en remit à l'imbécilité d'un imbécile. Elle oubliait qu'une des plus infimes qualités humaines, c'est-à-dire la ruse, est précisément celle qu'on trouve le plus largement développée dans les plus médiocres intelligences. Si elle s'était montrée ouvertement en colère contre son maître, elle lui aurait fait peur, très probablement. Si elle lui avait ouvert son cœur, elle l'aurait plongé dans la stupeur en présentant à ses perceptions bornées tout un enchaînement de calculs qu'il n'aurait pas eu la force d'embrasser. La curiosité qu'il aurait éprouvée lui aurait fait demander quelques explications, et tirant parti de cette curiosité, peut-être l'aurait-elle réduit à sa merci. Au contraire, elle prétendit lutter de ruse avec lui, et l'imbécile se trouva de force à lui tenir tête. Noël Vanstone, pour qui tous les mobiles d'un ordre élevé demeuraient absolument lettre close, discernait fort bien les calculs mesquins en vertu desquels agissait sa femme de charge et les pénétrait aussi promptement que le diplomate le plus habile aurait pu le faire. Mrs. LeCount le quitta ce soir-là, parfaitement battue et n'ignorant point qu'elle l'était. Elle le quitta, ses instincts de tigresse ayant repris le dessus, avec un désir secret de promener ses ongles bien taillés sur le visage ironique de son vénéré maître. Mais ce n'était pas une femme qu'une défaite ou même sans défaite pouvait réduire à s'avouer vaincue. Elle était bien positivement déterminée à réfléchir encore, à réfléchir toujours, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé quelque moyen d'en finir une bonne fois et pour jamais, avec cette intimité si rapidement établie entre les Bygrave et son maître. Dans la solitude de sa chambre, elle retrouva la tranquillité nécessaire pour passer méthodiquement en revue les événements du jour et en tirer les conclusions qu'il devait naturellement lui suggérer. Il y avait pour elle, dans la voix de cette Miss Bygrave, quelque chose de vaguement connu, et en même temps, par une contradiction inexplicable, quelque chose d'absolument nouveau. Le visage et la taille de la jeune personne lui étaient tout à fait étrangers. C'était un visage frappant, une taille remarquable, et si à quelque époque antérieure elle avait vu l'une ou l'autre, elle s'en serait certainement souvenue. Miss Bygrave était donc, sans le moindre doute, une connaissance nouvelle. Et cependant, elle n'avait pu, durant le jour, pénétrer plus avant. Maintenant encore, elle ne le pouvait pas. L'enchaînement des pensées se brisait ici. Son intelligence en rajusta les fragments et forma ainsi une autre chaîne, se rattachant à cette dame qu'on maintenait dans un isolement si absolu, à cette tante qui avait bonne mine et pourtant souffrait des nerfs, qui souffrait des nerfs et pouvait cependant manier l'aiguille avec une si remarquable assiduité. Ainsi, d'un côté, chez la nièce, une incompréhensible ressemblance dans la voix avec quelque autre voix dont pourtant elle ne se souvenait guère. Chez la tante, une maladie énigmatique qui la retenait à l'abri des regards. Chez l'oncle, un degré tout à fait extraordinaire de culture scientifique, accompagnant une vulgarité, une effronterie de manière, qui ne donnait en aucune façon l'idée d'un homme consacrant sa vie à l'étude. Que fallait-il penser de cette petite famille? Et les trois membres qui la composaient, fallait-il les accepter, comme on dit, sur l'étiquette du sac? Ce fut en s'adressant cette question que Mrs. LeCount se mit au lit. Dès que sa bougie fut éteinte, l'obscurité sembla communiquer à ses idées une sorte d'indocilité inexplicable. Malgré elle, elle revint des choses présentes aux choses passées. Elles ressuscitèrent son défunt maître. Elles ravivèrent des propos tenus, des incidents arrivés dans la coterie anglaise de Zurich. Elles sautaient de là au chevet du lit où le vieillard, qui habitait alors Brighton, avait rendu le dernier soupir. De Brighton, elles revinrent à Londres. Elles entrèrent dans cette chambre commode et nue qu'elle habitait à Vauxhall Walk. Elles replacèrent l'aquarium sur la table de cuisine et la prétendue Miss Garth dans le fauteuil à côté de cette table, dérobant aux rayons du jour ses yeux enflammés. Elles lui remirent en main la lettre anonyme, cette lettre remplie d'allusions obscures à une trame secrète, et la ramenèrent avec cette lettre en présence de Mr. Vanstone. Elles lui rappelèrent la discussion relative à ce blanc qu'il fallait remplir dans la rédaction de l'annonce et la querelle qui avait suivi, quand elle s'était permis de dire à son maître que la somme offerte par lui était d'une modicité tout à fait déraisonnable. Elles réveillèrent en son esprit une anxiété de vieille date et qui, depuis plusieurs semaines déjà, l'avait laissé parfaitement tranquille. Une anxiété qui lui faisait se demander si le complot dénoncé jadis s'était évaporé en simples paroles, ou s'il fallait s'attendre à le voir revenir sur l'eau. Ses pensées ici se rompirent une fois de plus. Il y eut dans leur série une lacune momentanée. Mais l'instant d'après, Mrs. LeCount se redressa sur son séant. Le cœur lui battait avec violence. Elle avait dans la tête un tourbillon pareil à celui qui précède un évanouissement. Avec la rapidité du courant électrique, son intelligence venait de réunir, de classer toutes ses idées éparses et de les placer devant elle sous une forme qui les lui rendait intelligibles. Dans cette agitation du moment qui la dominait tout entière, elle se mit à battre des mains et dans l'obscurité cria tout à coup « Miss Vanstone, c'est encore Miss Vanstone !» Elle sauta hors du lit et ralluma sa bougie. Si solide que fût son système nerveux, ce brusque soupçon l'avait fortement ébranlé. Sa main tremblait quand elle ouvrit sa table de toilette que pour y prendre un petit flacon de sel. En dépit de ses joues si parfaitement lisses et de sa chevelure si parfaitement conservée, elle faisait tout son âge, au moins près, au moment où, mêlant l'eau et les sels, elle les but à grands traits, et où, ramassant autour d'elle les plis de son peignoir, elle se rassit au bord du lit pour tâcher de reprendre son sang-froid habituel. Elle était absolument incapable de définir le procédé mental par lequel elle en était arrivée à cette découverte. Elle ne pouvait assez se détacher d'elle-même pour voir que ses conclusions encore en germe au sujet des Bygrave avaient fini par lui rendre suspecte cette famille d'inconnus, que l'association des idées avait reporté son esprit vers cet autre ordre de soupçons se rattachant au complot formé contre son maître, que ces deux sujets de méfiance, enfin, provenant de deux sources parfaitement distinctes, mais tout à coup juxtaposées et s'entrechoquant l'une l'autre, avaient fait jaillir l'étincelle lumineuse. Incapable de remonter ainsi par le raisonnement de l'effet produit à la cause qu'il avait engendré, elle sentait seulement que ce soupçon n'était déjà plus un simple soupçon. La conviction la plus absolue n'aurait pu jeter dans son esprit de plus profondes racines. Magdalene, maintenant éclairée de ce nouveau jour, suggérait à Mrs. LeCount des doutes qu'elle n'osait accueillir encore qu'avec une certaine réserve. Elle eût bien voulu se persuader qu'elle retrouvait chez cette belle et gracieuse enfant, assise une heure auparavant à la table de son maître, quelques traces du visage et de la taille de la prétendue Miss Garth. Elle eût bien voulu se figurer qu'elle constatait, entre la voix irritée qu'elle avait entendue dans Vauxhall Walk et les accents adoucis, harmonieux, discrets, qui vibraient encore à ses oreilles, une ressemblance dont jusqu'alors elle n'avait jamais conçu l'idée. Elle eût enfin voulu se persuader qu'elle était arrivée à tous ces résultats sans trop forcer la vérité telle qu'elle la connaissait. Mais ses efforts pour en arriver là demeurèrent inutiles. Mrs. LeCount n'était pas de ces femmes qui perdent leur temps et leur peine à tâcher de se faire illusion. Elle voulut bien croire qu'une conjecture instantanée l'avait mise sur le chemin des découvertes qu'elle venait de faire, mais en même temps, elle s'avoua, quoiqu'à regret, que la conviction maintenant établie chez elle ne pouvait se justifier encore, aux yeux des autres, par aucun fragment de preuve raisonnable. Dans de telles circonstances, quelle marche fallait-il adopter vis-à-vis de son maître? Si elle lui disait avec candeur, quand ils se retrouveraient ensemble le lendemain matin, le résultat de ses réflexions de la nuit, elle pressentait, connaissant bien Noël Vanstone, que l'un de ces deux résultats viendrait infailliblement se produire. Ou bien il se fâcherait et s'engagerait dans des chicanes infinies. Il demanderait des preuves et, n'en voyant produire aucune, accuserait la femme de charge de l'alarmer sans cause pour satisfaire le penchant jaloux qu'il animait contre Magdalène. Ou bien, sérieusement inquiet, il invoquerait à grands cris la protection des lois et, dès le début, mettrait ainsi les Bygrave sur leur garde. Si Magdalène seule avait été impliquée dans le complot, cette dernière conséquence n'aurait pas semblé fort importante à la femme de charge. Mais elle avait trop d'esprit pour ne pas apprécier à leur juste valeur les inépuisables ressources du capitaine. Si je n'ai pas l'évidence même de mon côté pour faire échec à cet impudent coquin, pensait Mrs. LeCount, j'aurai beau demain matin ouvrir les yeux de mon maître. Mr. Bygrave les aura refermés avant qu'il soit nuit. Le drôle joue carte sous table, et il gagnera certainement la partie si j'abats mon jeu dès le début. Cette décision de temporiser était d'une sagesse si manifeste. Il était si sûr que Mr. Bygrave se serait pourvu à tout, évidemment, des témoignages nécessaires pour établir à son usage et à celui de sa nièce l'identité dont il se parait, que Mrs. LeCount se détermina immédiatement à ne rien dire le lendemain matin et à n'attaquer le complot que lorsqu'elle pourrait produire des faits complètement irréfutables. Les relations de son maître avec les Bygrave n'avaient encore, après tout, qu'une journée d'ancienneté. On n'avait pas à craindre de les voir dégénérer en une intimité dangereuse, si on se bornait à les tolérer pendant quelques jours, pourvu que dans une semaine ou plus tard, on se fût mis à même de les rompre à jamais. Dans ce laps de temps qu'elle s'accordait ainsi, quelles mesures étaient à la disposition de Mrs. LeCount pour écarter les obstacles semés sur sa route et pour se procurer les armes dont elle pourrait avoir besoin? La réflexion lui indiqua trois chances en sa faveur, trois différents moyens d'arriver à la découverte indispensable. La première chance était de cultiver l'amitié de Magdalène et ensuite, la prenant au dépourvu, de l'amener à se trahir en présence de Noël Vanstone lui-même. La seconde chance était d'écrire à Miss Vanstone aînée, et sous quelque prétexte alarmant qui légitima des questions aussi peu ordinaires, de lui demander quelques renseignements sur l'endroit où se trouvait sa sœur, sur son apparence physique, renseignements pouvant permettre à quelqu'un ne la connaissant pas de l'identifier. La troisième chance était de percer à jour le mystérieux isolement de Mrs. Bygrave, de pénétrer audacieusement jusqu'à elle, et de savoir juste si la maladie réelle de cette dame ne serait point par hasard de ne savoir pas garder les secrets de son mari. Résolue à courir ces trois chances, dans l'ordre même où elle les avait énumérées et à tendre ses pièges pour Magdalène, dès le jour qui s'apprêtait à paraître, Mrs. LeCount finit par ôter son peignoir et accorda quelque repos à son corps épuisé. L'aurore se levait sur les flots gris de la mer lorsqu'elle se remit au lit. La dernière idée qui préoccupa son esprit avant que le sommeil se fût emparé d'elle caractérisait parfaitement cette femme. C'était une menace à l'adresse du capitaine. « Il s'est joui du souvenir sacré de mon époux, » pensait la veuve du professeur. « Sur mon honneur et sur ma vie, je lui ferai payer cher cette audace. » Le lendemain matin, de bonne heure, Magdalène commença la journée, conformément à ce qui était convenu avec le capitaine, en faisant sortir Mrs. Reig pour qu'elle prît un peu d'exercice à une heure où il n'était pas à craindre qu'elle attirât l'attention du public. La géante insista longtemps pour qu'on la laissât au logis. La robe de cachemire orientale préoccupait encore sa pensée, et pour la centième fois au moins, elle éprouvait le besoin de relire les instructions de la couturière avant de pouvoir, ainsi qu'elle le disait, visser son courage et attaquer l'étoffe aux ciseaux. Mais Magdalène n'accepta aucun refus, et Mrs. Reig fut forcée de sortir. Le seul but innocent que Magdalène donna désormais à sa vie était le parti bien pris d'empêcher que la pauvre femme du capitaine fût, à cause d'elle, retenue en captivité. Et à cette résolution, elle se cramponnait machinalement, comme au seul gage qui lui resta maintenant d'un passé où seuls ses meilleurs instincts avaient cours. Les deux dames revinrent plus tard qu'à l'ordinaire pour le petit déjeuner. Tandis que Mrs. Reig était en haut, s'arrangeant de la tête aux pieds pour passer l'inspection du matin à laquelle allait la soumettre l'œil rigide du capitaine. Et tandis que Magdalene et Mr. Raig l'attendaient dans le salon, la domestique y apporta un billet venant de Sea View Cottage. Le messager attendait la réponse, et l'adresse portait le faux nom du capitaine Raig. Celui-ci rompit l'enveloppe et lut la ligne suivante. Cher monsieur, Monsieur Noel Vanstone veut que je vous écrive pour vous annoncer qu'il se propose de consacrer cette belle journée à une excursion en voiture vers un des villages de la côte, appelé Dunwich. Il voudrait savoir s'il vous conviendrait de partager avec lui la location d'une voiture et de lui procurer ainsi, pour cette course un peu longue, le plaisir de voyager avec vous et avec Miss Bygrave. On a la bonté de m'admettre à cette partie, et si je pouvais, sans trop de présomption, manifester à cet égard mes sentiments, j'ajouterai volontiers mes prières à celles de mon maître pour vous déterminer, vous et votre jeune nièce, à vous joindre à nous. Nous proposons le départ pour 11 heures très précises. Croyez-moi, cher monsieur, votre très humble servante, Virginie Lecount. De qui est la lettre ? Demanda Magdalene, qui, tandis qu'il lisait, remarqua une certaine altération sur les traits du capitaine Rage. Que nous votons à Sea View Cottage ? Veuillez m'excuser, dit gravement le capitaine. Ceci demande considération. Accordez-moi une minute ou deux pour réfléchir. Il fit là-dessus un ou deux tours de chambre, puis, tout à coup, alla se placer à une table écartée sur laquelle étaient rangées ses affaires de bureau. « Vous me croyez donc né d'hier, madame ?» disait le capitaine, se parlant facétieusement à lui-même. Il cligna de son œil brun, saisit une plume et traça rapidement la réponse. « Parlerez-vous maintenant ?» demanda Magdalene quand la domestique fut sortie. « Que renfermait la lettre ? Et comment y avez-vous répondu ?» Le capitaine lui passa l'épître de Mrs. Lecount. « J'ai accepté l'invitation, » répondit-il ensuite avec calme. Magdalene parcourait le billet. « Hier, disait-elle, une hostilité cachée, aujourd'hui une amitié qui s'avoue. Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie, dit le capitaine Rage, que Mrs. Lecount, en fait de finesse, passe encore mes prévisions. Elle sait déjà qui vous êtes. Impossible ! S'écria Magdalene. En si peu de temps, cela ne saurait être. Je ne me charge pas de dire comment elle vous a découverte. » continua le capitaine avec un parfait sang-froid. Peut-être votre voix l'a-t-elle mieux renseignée que nous ne l'avions cru possible. Il se peut encore qu'en y réfléchissant, elle ait trouvé à notre famille une physionomie suspecte. Et tout incident suspect auquel était mêlée une femme a pu lui rappeler cette visite du matin que vous lui aviez faite dans Vauxhall Walk. De façon ou d'autre, le sens de ce changement soudain me paraît suffisamment clair. Elle sait qui vous êtes, et veut vérifier sa découverte au moyen d'une ou deux questions à double détente, qu'elle vous glissera sous le couvert d'une causerie amicale. J'ai pratiqué l'humanité sous bien des formes, et Mrs. Lecount n'est pas le premier diplomate en jupon avec qui la destinée m'est mise en lutte. Le monde entier n'est qu'un vaste théâtre, ma chère enfant, et l'une des scènes que nous voulions y jouer dans notre petit coin est terminée à partir de ce moment. Là-dessus, il tira de sa poche son exemplaire des dialogues scientifiques. « C'en est déjà fait de vous, ami Joyce, » dit le capitaine, donnant au volume d'enseignement alimentaire une chic note d'adieu, et l'enfermant ensuite dans le secrétaire. « Telle est la popularité humaine, » continua l'indomptable vagabond, en pochant gaiement la clé du meuble. « Maître Joyce, hier, était tout pour moi. Aujourd'hui, je n'en donnerai pas cela. » Il fit claquer ses doigts et se mit à table. « Je ne vous comprends point, » dit Magdalene qui le regardait d'un air mécontent. « Est-ce à dire que pour l'avenir, vous m'abandonnez à mes seules ressources ?»« Eh, ma chère enfant !» s'écria le capitaine Raig. « Ne vous ferez-vous jamais à mes saillies humoristiques ? J'en ai fini avec ma science d'emprunt, tout simplement parce que Mrs. Lecount, j'en suis bien certain, a cessé d'y croire. N'ai-je point accepté cette promenade à Dunwich ? « Tranquillisez-vous donc. L'assistance que je vous ai déjà donnée ne doit compter pour rien en regard de celle que vous me devrez désormais. Mon honneur est intéressé à rouler, Mrs. Lecount. Cette dernière manœuvre fait de la question une affaire personnelle entre nous. Ne s'imagine-t-elle pas qu'elle peut me mystifier ? S'écria le capitaine, frappant la table du manche de son couteau, dans un transport de vertueuse indignation. Par le ciel, jamais de ma vie je ne reçus insulte pareille. Rapprochez-vous de la table, ma chère petite, et accordez une minute d'attention à ce que je vais maintenant vous dire. » Magdalène lui obéit. Le capitaine Raig, avant de continuer, prit soin de baisser la voix. « Je vous ai déjà répété bien des fois, » reprit-il, « que le point important est de ne jamais laisser Miss LeCount vous surprendre dans un de vos accès de distraction mélancolique. Après ce qui est arrivé ce matin, je dois vous le redire plus que jamais. Qu'elle vous soupçonne tout à son aise. Je la défie d'asseoir ses soupçons sur une base quelconque, à moins que nous ne la lui fournissions nous-mêmes. Nous allons voir aujourd'hui si elle a eu la témérité de se découvrir du côté de son maître, avant d'avoir quelques faits pour étayer ses insinuations malveillantes. Ceci, je me permettrai d'en douter, mais s'il en est ainsi, et si elle a parlé, nous allons faire pleuvoir jusqu'à ce qu'elle en éclate, sur la pauvre petite cervelle de Mr. Vanstone, les preuves de notre identité avec les Bygrave. Vous avez dans cette excursion deux objets à poursuivre. Le premier, de savoir démêler un piège à chaque parole que Mrs. LeCount vous adressera. Le second, de déployer toutes vos fascinations pour vous emparer, à dater de ce jour, de Mr. Noel Vanstone. Je vous en fournirai l'occasion lorsque nous quitterons la voiture pour parcourir les environs de Dunwich. Arborez votre chapeau, arborez votre sourire. Faites valoir, en serrant un peu votre corset, tous les avantages de votre taille. Mettez vos bottines les plus élégantes et vos gants les plus frais. Accrochez à vos jupons et solidement ce misérable petit avorton. Ceci fait, laissez-moi tout diriger et vous verrez. Attention, voici Miss Raig. Nous devons maintenant nous montrer doublement assidus à la surveiller. Exhibez votre bonnet, Mrs. Raig, et voyons vos souliers. Aperçois-je sur ce tablier une tache? Je ne supporte pas les taches. Vous ôterez ce tablier après déjeuner. Vous en mettrez un autre. Poussez votre chaise au milieu de la table, un peu plus à gauche, encore, encore. Servez le déjeuner. À 11h15, Mrs. Raig, de son plein et joyeux aveu, fut renvoyée dans la chambre du fond, où elle devait passer le reste du jour à s'empêtrer dans les difficultés d'une façon de robe. Au coup de l'horloge qui sonnait l'heure prescrite, Mrs. LeCount et son maître arrivèrent ponctuellement, en voiture, devant la porte de North Shingles, où ils trouvèrent Magdalene et le capitaine Raig qui les attendaient dans le jardin. Sur la route de Dunwich, rien ne vint troubler le plaisir de la promenade. Mr. Noel Vanstone se portait fort bien et se montrait d'excellente humeur. LeCount s'était exécuté vis-à-vis de lui pour son petit malentendu de la veille au soir. LeCount avait sollicité, comme une faveur personnelle, cette excursion avec les Bygrave. Son maître songeait à ces concessions si flatteuses pour son autorité, tout en regardant Magdalene avec des sourires et des grâces interminables. Mrs. LeCount jouait admirablement son rôle. Maternelle avec Magdalene, prodigue de tendres attentions à l'égard de Noel Vanstone, elle s'intéressait vivement à la conversation du capitaine Raig et semblait humblement désappointée de l'avoir roulé sur des généralités à l'exclusion de toute science. Pas un mot, pas un regard ne lui échappa qui pût révéler, même de bien loin, ses véritables intentions. Élégante et convenable comme toujours, sa mise attestait les plus grands soins. Enfin, par cette étouffante journée d'été, elle fut la seule des quatre voyageurs qui parut complètement soustraite aux influences de la chaleur. Comme ils descendaient de voiture en arrivant à Dunwich, le capitaine saisit un moment où les yeux de Mrs. LeCount s'étaient détournés de lui pour fortifier Magdalene par un dernier avertissement. « Gare à la chatte, » murmura-t-il, « c'est au retour qu'elle montrera ses griffes. » Ils quittèrent le village pour se rendre à pied jusqu'aux ruines d'un couvent voisin, dernier débris d'une ville autrefois populeuse et détruite depuis déjà quelques siècles par l'action dévorante des marées. Après avoir examiné ces ruines, ils se réfugièrent à l'ombre d'un petit bois situé entre le village et les basses dunes qui bordent et dominent l'océan germanique. Là, Le capitaine Reig manœuvra de manière à ce que Magdalen et Noel Vanstone prissent quelque avance sur Mrs. LeCount et lui. Puis il se trompa de route et s'égara aussitôt avec la dextérité la plus consommée. Après quelques minutes de marche dans la fausse direction, il gagna un espace découvert entre les dunes et la grève, et après avoir ouvert poliment son tabouret portatif pour le mettre au service de la femme de charge, il lui proposa d'attendre là où il se trouvait, que leurs compagnons égarés les y vinssent découvrir. Mrs. LeCount accepta la proposition. Elle se rendait parfaitement compte que son guide l'avait perdu à dessein. Mais cette découverte n'avait altéré en rien la douceur affable de ses manières. Le temps de régler ses comptes avec le capitaine n'était pas encore venu pour elle. Aussi se borna-t-elle à inscrire sur sa liste cette nouvelle créance et à profiter du siège qu'il lui offrait. Le capitaine Reig s'étendit à ses pieds dans une attitude romanesque, et ses deux ennemis acharnés, groupés comme un couple d'amoureux le serait en un tableau, entamèrent une conversation aussi facile, aussi agréable que s'ils eussent vécu depuis 20 ans dans la plus parfaite intimité. « Je vous connais, madame, » pensait le capitaine pendant que Mrs. LeCount lui adressait de belles paroles. « Vous aimeriez apprendre en défaut mon savoir de fraîche date, et ne trouveriez aucun inconvénient à me noyer dans l'aquarium du professeur. » « Avec votre œil brun et votre œil vert, mauvais drôle que vous êtes, » pensait Mrs. LeCount dès que le capitaine reprenait le dé de la conversation. « Vous avez beau être cuirassé, je trouverai bien à vous percer de part en part. » Ce fut dans cette réciproque disposition d'esprit qu'ils traitèrent à loisir maintes et maintes généralités, affaires publiques, paysages environnants, sociétés anglaises et sociétés suisses, santé, climat, livres, mariage, fortune, et sans s'arrêter un moment, sans cesser d'être parfaitement d'accord, pendant près d'une heure, avant que Magdalen et Noel Vanstone, revenus par hasard de ce côté, eussent de nouveau reformé le quatuor primitif. Quand ils regagnèrent l'auberge où la voiture les attendait, le capitaine Reig laissa Mrs. LeCount en paisible possession de son maître et fit signe à Magdalen de se tenir un moment en arrière afin de pouvoir échanger quelques mots avec elle. « Eh bien ?» demanda tout bas le capitaine. « Est-il solidement accroché à vos jupons ?» Elle frémit en lui répondant, de la tête aux pieds. « Il m'a baisé la main, » dit-elle. « Faut-il vous en apprendre davantage ? Mais ne le laissez plus prendre place auprès de moi. Je suis à bout de patience. Ménagez-moi pendant le reste du jour. Je vous mettrai à côté de moi, sur le devant de la voiture. » répondit le complaisant capitaine. Pendant qu'il s'en revenait, Mrs. LeCount réalisa la prédiction du capitaine Reig. La chatte montra ses griffes. Le moment ne pouvait être mieux choisi. Les circonstances n'auraient pu la favoriser davantage. Magdalen était abattue, lasse de corps et d'esprit. Elle se trouvait de plus exactement en face de la femme de charge, qui, en vertu du nouvel arrangement, s'était vu forcé de prendre à côté de son maître la place d'honneur, ayant ainsi toute facilité d'observer les moindres changements qui se manifestaient sur le visage de Magdalen. Mrs. LeCount essaya d'abord d'amener la conversation sur le séjour de Londres et les avantages relatifs que peuvent offrir aux personnes qui viennent s'y fixer les différents quartiers de la capitale sur les deux rives du fleuve. Reig, toujours sous les armes, pénétra plutôt son attention qu'elle ne s'y était attendue, et vint immédiatement s'interposer. « Vous prenez, madame, le chemin de Vauxhall Walk, » pensa le capitaine. « J'y serai avant vous, soyez-en sûr. » Il se lança immédiatement dans une description purement imaginaire des différents quartiers de Londres où lui-même avait résidé. Puis, mentionnant adroitement Vauxhall Walk sur cette liste chimérique, il para d'avance le coup que Mrs. LeCount voulait porter à Magdalen en la questionnant à bout portant sur cette même localité. Après avoir parlé de ses diverses résidences, le capitaine en vint par une transition bien ménagée à se mettre lui-même sur le tapis. Et, toujours dans le rôle de Mr. Bygrave, il régala les oreilles de la femme de charge de ses annales domestiques au grand complet, sans oublier le tombeau de son frère dans le Honduras, et le monument élevé par le sculpteur nègre, fils de ses œuvres, non plus que la veuve de son frère, la corpulence extraordinaire de cette dame et la nécessité où elle était d'habiter à Cheltenham le rez-de-chaussée de sa maison garnie. Ces épanchements autobiographiques servirent bien à gagner du temps, ce qui permit à Magdalene de se remettre, mais il ne pouvait avoir d'autre effet. Mrs. LeCount écoutait, sans ajouter pourtant la moindre créance à rien de ce que pouvait dire le capitaine. Il l'affermissait seulement de plus en plus dans cette pensée qu'il ne fallait pas songer à mettre Noël Vanstone de moitié dans ses méfiances, avant de pouvoir invoquer des faits concluants contre la fausse identité qui enveloppait le capitaine Raig d'un rempart provisoirement inexpugnable. Il attendit tranquillement le terme de ses divagations bavardes et revint ensuite à la charge comme si de rien n'était. « C'est par une coïncidence singulière que votre oncle se trouve avoir résidé dans Vauxhall Walk, » dit-elle, s'adressant à Magdalene. « Mon maître y possède une maison, et nous y étions établis avant notre départ pour Aldborough. Puis-je vous demander, Miss Bygrave, si vous connaîtriez de près ou de loin une personne appelée Miss Garth ?» Cette fois, elle décocha sa question avant que le capitaine pût intervenir. Magdalene aurait dû s'y trouver préparée par ce qui venait de se passer devant elle. Mais les incidents de la journée avaient fortement ébranlé ses nerfs, et tout ce qu'elle put faire fut de répondre négativement à la question, après une pause de quelques instants employée à se remettre. Son hésitation, trop éphémère pour être remarquée d'un auditeur désintéressé, avait duré assez longtemps pour confirmer Mrs. LeCount dans ses convictions secrètes et pour l'encourager à persister quelque peu sur cette voie. « Je vous demandais ceci, » continua-t-elle, arrêtant obstinément ses yeux sur Magdalene et négligeant avec tout autant d'obstination les efforts du capitaine Raig pour se mettre entière dans la causerie. « Je vous demandais ceci parce que Miss Garth m'est tout à fait inconnue et que je m'attache à réunir de tous côtés des renseignements qui la concernent. La veille de notre départ, Miss Bygrave, une personne, s'attribuant le nom que je viens de prononcer, nous honora d'une visite fort extraordinaire. » Avec des façons toujours doucereuses et conciliantes, avec un raffinement de mépris presque diabolique par la manière ingénieuse dont il se dissimulait sous le langage de la pitié, la femme de charge se mit alors à dépeindre hardiment, en présence de Magdalene, le déguisement sous lequel, naguère, Magdalene était venue la trouver. Elle eut soin de parler avec dédain des derniers possesseurs de Combraven, comme de personnes qui avaient toujours tracassé, déconsidéré la branche aînée de la famille, bien autrement digne de respect. Elle s'affligea de ce que les enfants de Mr. et Mrs. André Vanstone, marchant sur les traces paternelles, eussent essayé d'exploiter Mr. Noël Vanstone au point de vue pécuniaire, en s'abritant sous les dehors d'une personne respectable et en usurpant audacieusement son nom. Englobant adroitement son maître dans la conversation, pour que le capitaine fût hors d'état d'opérer par là une diversion favorable, n'épargnant aucun détail injurieux, frappant tour à tour sur tous les endroits sensibles où la langue d'une femme irritée pouvait porter son venin, elle aurait sans aucun doute remporté la victoire et forcé Magdalene à se trahir sous l'aiguillon des tortures qu'elle lui infligeait, si le capitaine Raig ne l'eût arrêté court, en pleine carrière, par une espèce de cri d'alarme et en saisissant brusquement le poignet de sa prétendue nièce. « 10 000 pardons, chère madame !» s'écria le capitaine. « Je vois sur le visage de cet enfant, je sens à l'agitation de son pouls qu'elle va être en proie à quelqu'une de ces violentes crises nerveuses dont elle souffre de temps en temps. Pourquoi n'osez-vous, chère petite, avouer à des amis que vous êtes horriblement souffrante? Quelle politesse hors de propos !» On lit, n'est-il pas vrai, Miss LeCount, la souffrance sur son visage. Ce sont des élancements poignants, Monsieur Vanstone, des élancements poignants au côté gauche de la tête. Baissez votre voile, cher enfant, et appuyez-vous sur mon épaule. Nos amis vous excuseront. Nos excellents amis, pour tout le reste du jour, voudront bien nous excuser. Avant que Mrs. LeCount pût le moins du monde révoquer en doute la sincérité de cet accès névralgique, la sympathie tracassière de son maître s'était déjà manifestée, comme le capitaine l'avait pressenti, par les démonstrations les plus actives. Il fit arrêter la voiture, réclamant avec instance un changement immédiat dans la distribution des places. Celles du fond, larges et commodes, devaient échoir à Miss Bygrave et à son oncle. Lecount et lui se contenteraient du siège de devant. Lecount avait-elle apporté son flacon de sel? Bonne créature! Elle allait immédiatement le donner à Miss Bygrave, et le cocher aurait désormais à les conduire avec précaution. Si le cocher avait le malheur de secouer Miss Bygrave, il pouvait bien renoncer d'avance à toute espèce de pourboire. On employait fréquemment le magnétisme pour ce genre d'indisposition. Le père de Mr. Noel Vanstone avait été l'un des plus puissants magnétiseurs qui fussent en Europe, et Mr. Noel Vanstone était le fils de son père. L'autoriserait-on à magnétiser? Ordonna-t-il à ce cocher d'enfer de les conduire en quelque endroit ombragé, favorable à ce genre d'opération? Préférerait-on les secours de la médecine? Trouverait-on à se les procurer avant d'avoir gagné Aldborough? Cet animal de cocher n'en savait rien. Arrêtez tout homme de bonne mine que vous verrez passer en Tilbury et sachez de lui s'il est médecin. C'est ainsi que Mr. Noel Vanstone continua de pérorer, sauf quelques pauses indispensables pour reprendre haleine, de plus en plus sympathique et de plus en plus important aussi longtemps que dura le trajet de retour. Mrs. Lecount avait accepté sa défaite sans articuler un mot. À partir du moment où le capitaine Reig l'interrompit, elle ferma ses lèvres minces, qui ne se rouvrirent plus pendant le reste du voyage. Les expressions les plus chaleureuses de l'inquiétude que les souffrances de la jeune personne inspiraient à son maître ne provoquèrent chez elle aucun signe extérieur d'irritation ou de dépit. Elle s'occupait de lui le moins possible. Elle n'accordait non plus aucune attention au capitaine, qui, plus poli que jamais, prodiguait à son ennemi vaincu des égards bien faits pour l'exaspérer. Plus il se rapprochait d'Aldborough, plus les yeux noirs et durs de Mrs. Lecount demeurèrent assidûment fixés sur la jeune fille à demi couchée devant elle, les yeux clos et le voile baissé. Ce fut seulement lorsque la voiture s'arrêta devant North Shingles et au moment où le capitaine Reig donnait la main à Magdalen pour l'aider à descendre, que la femme de charge consentit enfin à s'occuper de lui. Comme il lui souriait en la saluant à la portière, la pénible contrainte qu'elle s'était imposée vint à céder tout à coup. Elle lui jeta un regard, un seul, qui dessécha et flétrit sur place toute la politesse fleurie du capitaine. Il se détourna immédiatement, remerciant l'hâte Noel Vanstone de ses derniers témoignages de sympathie, et ramena Magdalen dans la maison. « Je vous avais annoncé qu'elle montrerait ses griffes, » lui dit-il. « Ce n'est pas ma faute si elle vous a égratigné avant que je puisse l'empêcher. Elle ne vous a pas blessé, je l'espère. »« Elle m'a blessé et servi en même temps, » répondit Magdalen. « Elle m'a donné le courage de continuer. Dites-moi ce qu'il faudra faire demain, et fiez-vous à moi pour exécuter vos instructions de point en point. » Elle accompagna ses paroles d'un profond soupir et remonta dans sa chambre. Le capitaine Reig regagna le salon d'un air pensif et s'assit pour réfléchir. Il n'était pas, à beaucoup près, aussi certain qu'il l'eût voulu de la marche qu'allait adopter l'ennemi après l'échec de cette première journée. Le regard d'adieu que lui avait lancé la femme de charge lui donnait clairement à comprendre qu'elle n'était pas encore à bout de ressources. Et l'ex-milicien sentait toute l'importance des préparatifs à faire en temps utile pour se trouver en état de résister à la prochaine attaque. Il alluma un cigare et tendit contre les dangers de l'avenir tous les ressorts de son intelligence féconde en stratagèmes. Tandis que le capitaine Reig réfléchissait dans le salon de North Shingles, Mrs. Lecount méditait dans sa chambre à coucher de Seaview. Son exaspération, en voyant échouer la première épreuve tentée pour déjouer le complot, ne lui avait pas fait méconnaître l'urgente nécessité de tenter un second effort, avant que le croissant engouement de Noel Vanstone eût pris des proportions qui la mettraient dans l'impossibilité de le combattre. Le piège tendu à Magdalen l'ayant été vainement, la première chance à courir était de faire tomber sa sœur dans quelque chose trappe du même genre. Mrs. Lecount demanda une tasse de thé, ouvrit son écritoire, et commença le brouillon d'une lettre qu'elle comptait dépêcher à Miss Vanstone l'aînée par le courrier du lendemain. Ainsi se termina l'escarmouche préliminaire. Le fort de la bataille était encore à venir.